Mais revenons maintenant au passé. Comment dit-on « je n'ai pas pu le trouver » du verbe « poder ». C'est un point dans le passé. Pudo. Je n'ai pas pu, avec « je ». Là, vous m'avez donné la forme avec « il » ou « elle ». Oui. Qui est la forme aussi avec « usted ». Mais avec « je », ça sera « pude ». Pude. Alors, si vous voulez dire « je n'ai pas pu le voir ». No pude verlo. Encore une fois. No pude verlo. No pude verlo. No pude verlo. D'accord. No pude verlo, c'est un point dans le passé. Mais si c'est une ligne dans le passé, comment dira-t-on « je ne pouvais pas le voir » ? No podía verlo. No podía verlo. D'accord. Et « je ne pouvais pas le faire » ? No podía hacerlo. No podía hacerlo. Hein? C'est ça. Donc, je ne pouvais pas le faire, no podía hacerlo. Alors, attention à ne pas confondre podía, je pouvais, hein, qui est du passé, et podría, je pourrais, qui est au conditionnel. Revenons au passé du point. Comment dites-vous « je l'ai voulu » au passé du point? D'accord. Lo quise. Oui, lo quise. Hein, je l'ai voulu, c'est ça. Et il l'a voulu, hein, toujours au passé du point. Lo quiso. Lo quiso. Il l'a voulu. Hein, lo quiso. Et ils l'ont voulu, hein, au passé du point. Lo quisieron. Lo quisieron. Et maintenant, si vous voulez dire « j'aimerais », au conditionnel, ça sera quisiera. Quisiera. Donc, à partir de quisieron, vous remplacez ron par ra et vous obtenez quisiera, qui vous permet de dire ce que vous aimeriez faire, ce que vous pourriez faire, ce que vous devriez faire. Et ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel verbe. Puisque tous les verbes à la troisième personne du pluriel du passé du point, donc avec il ou elle au pluriel, sont en ron. Hablaron, comieron, salieron, dijeron, etc. Et il vous suffit de remplacer ron par ra pour obtenir cette forme, qui s'appelle le subjonctif imparfait. Alors, cette forme, vous allez notamment en avoir besoin après « si », après le « si » de « condition », pour dire par exemple « si j'étais riche »,« si j'avais le temps », etc. En français, on emploie notre temps des longueurs de piscine, donc l'imparfait de l'indicatif, « si j'étais »,« si j'avais », alors que en espagnol, on emploie l'imparfait, mais du subjonctif, c'est-à-dire ses formes en ara ou hiera. Et pourquoi le subjonctif en espagnol? Tout simplement parce que quand on dit « si j'étais riche »,« si j'avais le temps », etc., on exprime une hypothèse, une condition hypothétique. Et pour ça, on a besoin du subjonctif. Et remarquez que là-dessus, l'espagnol est une langue très systématique. Bon, alors, comment dites-vous « j'ai su » C'est un point dans le passé. Soupé. Soupé. Et donc, ils ont su, au passé du point. Supieron. Bien, supieron. Et à partir de là, vous obtenez le subjonctif imparfait, c'est-à-dire la forme qu'on va employer pour dire « si je savais ». Donc, « si je savais », « si ». Si supiera. Si supiera, c'est ça. Hein? Très bien, si supiera. Alors, « supiera », ça peut vouloir dire « si je savais ». Mais aussi, hein, « s'il savait », « si elle savait » ou « si vous, usted, saviez ». C'est la même forme. Si supiera. Et à partir de là, c'est très facile d'obtenir les autres formes. Commençons par si il ou elle, au pluriel, savait. À votre avis, comment dit-on ça? Si il ou elle savait. Si supieran. Tout à fait, si supieran. Si eux, ils savaient. Si elle, au pluriel, elle savait. Ou encore, si, si supieran, ça peut aussi vouloir dire. Si vous saviez, vous au pluriel. C'est ça, le vous de politesse pluriel, donc ustedes, qu'on utilise pour, vous voyez, plusieurs personnes. Si supieran, si vous, ustedes, saviez. Et comment dira-t-on si tu savais? Si supieras. C'est ça, si supieras, si tu savais. Et si nous savions, ça sera... Si supiéramos. Si supiéramos. Si supiéramos. Si supiéramos. On insiste sur la même syllabe que pour les autres. Pied. Si supiera, si supieran, si supieras. Et donc, si supiéramos. Alors, vous voyez, ça n'est pas bien compliqué. Vous venez de me donner sans problème les différentes formes du subjonctif imparfait.